jouer. Allez, allez jouer. Elle est gratin, complètement dingue. Elle veut s'amuser. Elle veut jouer. Elle est dingue, dingue, complètement dingue. Les garçons la trouvent merveilleuse. Elle veut jouer.